gouvernement ne représente que la corruption. Vous, capitalistes, Poupon, vous n'avez cessé de pousser la classe ouvrière à la misère. Et vous, communistes, vous avez cessé d'exploiter cette misère voulue par les capitalistes. Walou et Joker de MC qu'on la pêche, moi je donne des leçons et prêche, freestyler pour Wedgeco sans la cause c'est la dèche. Ça effrite le touch pour des pétards sans mèche dans la street, ça aguiche, c'est blindé de faux derches. Pas un flash dans les poches, toutes les usines débauchent, c'est la blanche qui les perche, impossible qui décroche. Tu sens le port dans le hache, des cailloux dans la bouche, ça s'emporte et se fâche, et les cailles sortent des pouches. Et la télé nous scotche pour que nos vies soient des sketchs, la téloche c'est l'arnouche qui s'infile dans la brèche. Plein de belles putes ou même moches, sans Michel, sans moche, belles ébutes à les flèches et c'est lui qui décoche. Toujours le même son de cloche, c'est les stars qui débauchent, et Schmitt éclate les cloches, c'est plus Starsky Hutch. Ils lichent comme des poches, les gardes à vue sont trash, les jeunes et les vieux se clashent, ça va droit vers le crash. Et ça crie mort aux vaches, les manifs virent au catch, et le peuple qui se fâche, et les CRS nous flash. Plus de cache-cache, matraque contre manche de pioche, les black blocs sont en marche, les gova flambent comme des torches. Marte s'accrocher aux branches pour faire manger nos mioches, faut que nos textes fassent tâche, c'est pas du rap de fantoche. J'suis pas un caïd postiche, ni un rappeur potiche, mon texte est michto, tu te dis j'suis trop fortiche. T'as la rage, fais pas ça à la rage, sinon les RG te fichent. Derrière leur moustache, les flics et méchés sont pas que là pour le chiffre. Sarko c'est leur chef, tu sais le petit facho fâché. Une Rolex et une cruche et le diable lui apprend à marcher. Ils nous prennent pour des manches, veulent qu'on sorte les cartouches, ils sont prêts pour le match, nous écraser comme des mouches. Allumez la mèche, mais j'ai juste une grande bouche. Pour me planquer, j'ai pas de ranch, je m'appelle pas George Bush. Ils font la chasse aux barbiches, mais moi j'en rajoute une couche. Sur ma religion, tu craches, mais c'est ta femme qui découche. Y'a la morale qui flanche, mais toi t'es qu'un lâche. Tu préfères prendre un scotch que prendre une calache. Devant Babylone, tu pétoches et ces médias tu lèches. Tu crois que ta vie c'est fastoche, c'est en enfer que tu crèches. Avant que la mort te fauche, il faut bien que tu saches que si t'empoches du cash, ça n'intéresse pas le patriarche. Tu complais dans le péché, mais le jour des comptes, y'a pas de triche. La honte sur les tronches, y'aura pas de pauvre ni de riche. Complet dans le péché, mais le jour des comptes, y'a pas de triche. La honte sur les tronches, y'aura pas de pauvres ni de riches. 6079, ouvrez les yeux. Le système n'admet pas de mécontents. Le rendement d'un mécontent, les statistiques le prouvent, est inférieur de 30% au rendement normal. L'objectif, entre autres, c'est donc d'uniformiser les esprits en appauvrissant le langage. Et ça, Orwell avait parfaitement compris. Qui appauvrit le langage, obligatoirement appauvrit la pensée. Un langage pauvre, vous avez une pensée pauvre. Et quand vous avez une pensée pauvre, vous êtes malléable plus facilement. C'est logique. Qui tient la barre de bâbord à tribord et la barre des bobards te matière au rebord, te ramène à bon port sans remous ni remords, sans rapport ni repère, juste rappé comme un porc. On aborde le complot, bombarde les couplets, regarde sous le capot si le style est complet. Une façon de poser qu'il convient de saluer, marchandise sur le quai qui pourrait te saouler. Cette voix est scellée, ma voix est ce qu'elle est, c'est le flot de L.A. qui rentre dans la mêlée. Cette voix est scellée, ma voix est ce qu'elle est, c'est le flot de L.A. qui rentre dans la mêlée. Avec mon crew, on a l'écrou, tu croques, t'as accro direct, pire qu'au crack, pas de décroche, décrète. Tu vas écouter 30 fois ce disque avant de capter de quoi ça traite. À t'en faire dégueuler ta 8-6 ou bien tomber ta crête. Rip pas putain ça craint, encore une phase d'ego trip. Nous on crame les escrocs, les crétins, on fait pas ça pour la trique. On les traque et nos crosses, on démine de crayons bic. On les matraque, on les rose dans leur tronche pire qu'un coup de cric. On écrit sur les crevards qui veulent nous faire courber les chines. À la crèche du tableau noir, ça va crisser jusqu'en Chine. Un coup de karcher pour virer la merde que t'as dans les yeux. Avec Walou et Joker dans Big Brother, on plante un pieu. Obéis. Reste endormi. Obéis. Ne conteste pas les ordres.